Ézéchiel chapitre 8. Puis il arriva en la sixième année, au cinquième jour du sixième mois, comme j'étais assis dans ma mare, et que les anciens de Juda étaient assis devant moi, que la main du Seigneur, l'Éternel tomba là sur moi. Et je regardai, et voici une ressemblance qui était comme une apparence de feu, depuis la ressemblance de ses reins jusqu'en bas, c'était du feu, et depuis ses reins jusqu'en haut, c'était comme qui verrait une splendeur telle, qu'est-ce la couleur du asmaal. Et il avança une forme de main, et me prit par la chevelure de ma tête, et l'esprit m'éleva entre la terre et les cieux, et me transporta à Jérusalem, dans des visions de Dieu, à l'entrée de la porte du parvis de dedans, laquelle regarde vers l'Aquilon, où était posée l'idole de jalousie, qui provoqua la jalousie. Et voici, la gloire du Dieu d'Israël était là, selon la vision que j'avais vue à la campagne. Et il me dit, Fils d'homme, lève maintenant tes yeux vers le chemin qui tend vers l'Aquilon. Et j'élevai mes yeux vers le chemin qui tend vers l'Aquilon, et voici, du côté de l'Aquilon, à la porte de l'autel, était cette idole de jalousie, à l'entrée. Et il me dit, Fils d'homme, ne vois-tu pas ce que ceux-ci font, et les grandes abominations, que la maison d'Israël commet ici, afin que je me retire de mon sanctuaire? Mais tourne-toi encore, et tu verras de grandes abominations. Il me mena donc à l'entrée du parvis, et je regardai, et voici, il y avait un trou dans la paroi. Et il me dit, Fils d'homme, perce maintenant la paroi. Et quand j'eus percé la paroi, il se trouva là une porte. Puis il me dit, entre, et regarde les méchantes abominations qu'ils commettent ici. J'entrai donc, et je regardai, et voici toutes sortes de figures de reptiles, et de bêtes, et d'abominations, et tous les dieux de fiente de la maison d'Israël étaient peints sur la paroi, tout autour. Et 70 hommes d'entre les anciens de la maison d'Israël, avec Jaazanja fils de Safan, qui était debout au milieu d'eux, se tenaient debout devant elle, et chacun avait en sa main un encensoir, d'où montait en haut une épaisse nuée de parfum. Alors il me dit, Fils d'homme, n'as-tu pas vu ce que les anciens de la maison d'Israël font dans les ténèbres, chacun dans son cabinet peint? Car ils disent, L'Éternel ne nous voit point, l'Éternel a abandonné le pays. Puis il me dit, Tourne-toi encore, et tu verras les grandes abominations que ceux-ci commettent. Il m'amena donc à l'entrée de la porte de la maison de l'Éternel qui est vers l'Aquilon, et voici, il y avait là des femmes assises, qui pleuraient à mu. Et il me dit, Fils d'homme, n'as-tu pas vu? Tourne-toi encore, et tu verras des abominations plus grandes que celles-ci. Il me fit donc entrer au parvis du dedans de la maison de l'Éternel, et voici, à l'entrée du temple de l'Éternel, entre le porche et l'autel, environ 25 hommes qui avaient le dos tourné contre le temple de l'Éternel, et leur visage tourné vers l'Orient, qui se prosternaient vers l'Orient devant le soleil. Alors il me dit, Fils d'homme, n'as-tu pas vu? Est-ce une chose légère à la maison de Juda de commettre ces abominations qu'ils commettent ici? Car ils ont rempli le pays de violence, et ils se sont ainsi tournés pour m'irriter, mais voici, ils mettent une écharde à leur nez. Et moi, j'agirai en ma fureur, mon œil ne les épargnera point, et je n'en aurai point de compassion, et quand ils crieront à haute voix à mes oreilles, je ne les exaucerai point.